Bien-aimés, je vous dis bonjour et j'espère que vous allez très bien parce que moi je me sens très bien. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, qui est la vérité, a promis être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ta vie. Tu es dans ta maison, il est là. Jésus est fidèle à sa parole. Il ne t'abandonne jamais. La nuit, il est avec toi. Le jour, il est avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours. Quand tu prends le bus, il est là. Tu es dans ta salle de classe, il est là. Tu es à l'entreprise, il est là. Tu prends l'avion, le train, ne crains rien, il est là. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ parle, Jésus-Christ agit, il est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Il est assis sur son trône et il gère toutes choses. Il est Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Quand je dis Jésus est Dieu, je sais très bien qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu aussi. Gloire à Dieu! Il est avec toi. Quand je me suis converti, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, je lui ai dit, Seigneur Jésus, prends ma vie. La médecine n'a pas pu me guérir. Prends ma vie, Seigneur. On m'a amené chez un grand marabout. J'ai passé 2 ans chez ce monsieur. Traitement sur traitement. Des prières occultes. Il a tout fait pendant 2 ans. Aucune solution. Fatigué, on a perdu de l'argent. Il m'a emmené la nuit dans la forêt. Il a allumé des bougies. Il a fait des choses. La maladie était là. Lorsque quelqu'un m'amène à l'église, à cette époque-là, j'étais encore en classe de première. On m'amène à l'église parce que je n'avais plus que la peau sur les os. Et l'évangéliste qui prêchait, on est là en 1988. L'évangéliste a dit, tu es dans la salle. Tu es malade, viens ici. L'hôpital a tout fait, ne trouve rien. Si tu es dans ce cas, c'est une maladie qui vient de la sorcellerie. Approchez. Je me suis approché. Les gens qui m'avaient prêché l'évangile au quartier ne m'avaient jamais dit que Jésus guérit. Alors moi je m'approche devant. Il n'a pas fait l'imposition des mains à qui que ce soit. Il s'est mis à genoux, il a levé la main au ciel et il priait Jésus, demandait à Jésus de guérir les malades. Je n'ai rien senti sur moi, je ne suis pas tombé en transe. Je ne suis pas tombé par terre, personne n'est tombé par terre, personne. Personne n'était en transe. Quand il a terminé de prier, on est retourné s'asseoir. Quand je suis allé m'asseoir, je continuais à sentir les douleurs dans mon corps. Et le diable me disait, tu sais, la maladie n'est pas partie, la maladie est là. Mais quand je suis rentré à la maison, le lendemain, je me réveille de 1988 jusqu'en 2019, la maladie n'est plus là. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je remercie mon Dieu. J'ai la preuve de Dieu dans ma vie. C'est la maladie qui a amené mes parents de m'amener chez le marabout. Et quand j'étais là-bas, je ne regrette pas aujourd'hui. Parce que ça m'a permis aujourd'hui, je peux parler au peuple de Dieu. Ça m'a permis pendant les 2 ans de voir les choses. Des femmes qui venaient voir le marabout. Oh, il y a un ministre, il y a un directeur qui me drague. Il y a un officier, il y a un cadre supérieur. Le marabout lui dit, tu veux quoi? Je veux un fétiche pour l'envoûter. Je comprends pourquoi Dieu dit, sortez du monde. Le monde est sale. Des officiers de police qui venaient voir le marabout parce qu'ils veulent obtenir des galons. Des directeurs qui voulaient des promotions. Des députés à l'approche des élections qui venaient voir le marabout pour gagner les élections. Le monde est sale. J'ai vu des prêtres, des évangéliques protestants qui venaient voir le marabout pour des gris-gris. Aujourd'hui, je peux en parler. Et cet homme n'a pas pu me guérir. C'est Jésus qui m'a guéri. Quand Jésus m'a guéri, je suis allé le voir, le grand marabout. Je lui ai dit, Jésus Christ, quand tu m'as vu venir, il m'a dit, oh Teddy, tu as bonne mine, tu as bonne mine. Je lui ai dit, oui, Jésus m'a déjà guéri. Oh, comment ça? Je lui ai dit, oui, Jésus m'a guéri. Je lui ai regardé dans les yeux. Je craignais cet homme parce que je voyais des trucs magiques qu'il faisait. Avant, j'avais peur de lui. Mais ce jour-là, c'est lui qui baissait le regard. Je lui regardais comme ça. Je lui dis, on a prié pour moi hier. Je ne sens plus la maladie. Ah bon? Je lui ai dit, oui, je suis guéri là. Et je lui ai dit, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Il a fermé la bouche. Et je suis rentré chez moi. Depuis ce jour, moi et la Bible, on dort sur le même lit. Depuis ce jour, depuis 1988, je suis à fond dans le Seigneur parce que Jésus a posé un acte fort dans ma vie. Un acte fort. Je souffrais d'une maladie bizarre. C'est-à-dire que du pied jusqu'à la tête, je sentais à l'intérieur de ma chair des aiguilles. Des aiguilles qui se baladent. C'était comme si plusieurs personnes étaient en train de me piquer les aiguilles du pied à la tête, à l'intérieur de mon corps. Bien-aimé, j'ai souffert. Je ne pouvais pas dormir la nuit parce que quand les aiguilles venaient au niveau du cœur, ça faisait choc, choc, choc, choc. Je me tordais de douleur. L'hôpital ne trouvait rien. Le grand marabout n'a rien fait. Je bénis le Seigneur Jésus. Oh, merci mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai la santé. Merci Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci Seigneur. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. La Bible dit que tu as porté nos maladies à la croix et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Je parle de Jésus avec le cœur. Parce qu'il a posé un acte fort dans ma vie. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Il me l'a prouvé. Il me l'a prouvé. Bien aimé, il y a un homme qui prêchait l'évangile dans le désert. Vous le connaissez, Jean-Baptiste. Et quand les pharisiens ont appris qu'il y a quelqu'un là-bas dans le Jourdain, il y a quelqu'un là-bas qui prêche l'évangile, ils sont allés. Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Ils viennent voir Jean-Baptiste et ils lui demandent, tu es qui? Tu es un prophète, tu es Élie, c'est toi le Messie, c'est toi là. Et Jean-Baptiste répond, Jean 1 au verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chantier du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils furent encore une autre question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Au verset 6, Jean répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi, je baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un ici. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Béni soit le Seigneur. Jean-Baptiste dit, ce n'est pas moi le Messie. Jean-Baptiste dit, ce n'est pas moi le Christ. C'est pas moi. C'est le Messie qui sauve. C'est le Messie qui guérit. C'est le Messie qui délivre. C'est le Messie. Bien aimé, c'est le Messie. Il y a une femme qui m'a appelé il y a cela quelques jours. Elle n'est pas la seule. D'autres personnes me l'ont dit. Frère, j'ai été voir plusieurs hommes de Dieu. Ma situation n'a pas changé. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. Frère, s'il te plaît, est-ce que je peux prendre un rendez-vous avec toi pour qu'on prie? Mon frère, ma soeur, c'est même pas la peine de prendre un rendez-vous avec moi. Tu seras déçu. Parce que si tu as fait le tour des hommes de Dieu, c'est parce que dans ta tête, tu crois que c'est un problème d'homme de Dieu. C'est l'agneau qui ôte le péché du monde, qui est l'alpha et l'oméga. C'est Jésus le guérisseur, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui brise les chaînes de l'ennemi, c'est Jésus qui te sanctifie, c'est Jésus qui te purifie, c'est Jésus qui guérit. Ma soeur, mon frère, Jésus t'a dit dans sa parole, je suis avec toi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est avec toi dans ta chambre. Pourquoi tu laisses Jésus qui est à côté de toi pour aller trouver un homme de Dieu? Pourquoi tu le laisses? Mets-toi un peu à sa place. C'est de l'incrédulité. Quand Jésus te voit t'habiller, je m'en vais voir un homme de Dieu. Jésus dit, mon Dieu, l'homme de Dieu ou moi qui est à côté de toi là, qui guérit? Tu es en train de t'habiller pour aller voir un homme. Mais moi, le sauveur, c'est moi. Je suis là à côté de toi. Pourquoi tu ne te tournes pas vers moi? Pourquoi tu ne te tournes pas vers moi? Pourquoi tu vas aller voir un homme? J'ai dit que je suis avec toi tous les jours. J'ai dit que je ne t'abandonnerai jamais. J'ai dit que jusqu'à la fin des temps, je suis toujours avec toi. Pourquoi tu ne crois pas à ça? Pourquoi tu t'habilles pour aller voir un homme? J'ai promis que je suis avec toi tous les jours. Nuit et jour, je suis à côté de toi. Viens vers moi. Parle-moi directement, parle-moi. Pourquoi tu vas aller chercher un homme? Pourquoi aller chercher un intermédiaire? Je suis à côté de toi pour m'occuper de toi. Je suis à côté de toi pour que moi et toi, on communique. Pour que tu me parles, je te réponds. Je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi tu vas aller voir un homme alors que je suis à côté de toi jour et nuit? L'incrédulité, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'incrédulité. Ils ne croient pas à la parole. Jésus dit, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu crois vraiment qu'il est avec toi, pourquoi tu prends le taxi pour aller voir un homme? Pourquoi tu ne traites pas directement avec lui? Si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi, l'heure est arrivée où les enfants de Dieu doivent se tourner vers le berger, le vrai berger. La femme qui souffrait d'une perte de sang, elle n'a pas dit, oh, Jésus a donné le pouvoir aux disciples de guérir, de chasser les démons. Matthieu, s'il te plaît, Matthieu, bien-aimé Matthieu, je peux te voir à deux. Marc, pasteur Marc, pardon, je suis malade là. Tu peux prier pour moi. Luc, évangéliste Luc, Luc, s'il te plaît frère, je ne me sens pas bien. Tu peux prier pour moi. Elle a dit, les serviteurs de Dieu sont là, les disciples. Moi, c'est Jésus. Moi, c'est Jésus. Jésus est avec toi tous les jours. Tu peux le voir directement depuis chez toi. Tu peux aller direct à lui. Oh, je m'habille, je vais aller voir un homme de Dieu. Pourquoi? Alors que Jésus lui-même est à côté de toi. C'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Si tu crois à sa parole, il a promis d'être avec toi tous les jours. Pourquoi tu vas aller voir un homme? Comme il est à côté de toi, adresse-toi directement à lui. C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de toi, que tu te tournes vers lui, pas vers les hommes. Et quand tu vas le faire, il va te donner les preuves qu'il est réellement avec toi tous les jours. Tu auras les fruits de ta foi. La plupart des victoires que moi j'ai obtenues, j'ai jamais allé voir un homme de Dieu, oh, prie pour moi. J'ai donné ma vie à Jésus en 1988. Mais aller voir un homme de Dieu, frère, je vais passer un concours, frère, je suis malade, prie, oh frère, non, niet, niet, niet, niet, niet. Parce que quand je me suis converti, le Seigneur m'a fait comprendre que je suis avec toi tous les jours. Je me suis dit, ok, puisqu'il est là, pourquoi je vais aller voir un homme? Jésus qui est vivant, Jésus se laisse trouver par toute personne qui le cherche de tout son cœur. Il se laisse trouver. Tu ne peux pas le voir de toi-même. Tu ne peux pas le voir. C'est lui qui se laisse trouver. Mais il faut le chercher. Quand tu te mets à genoux dans ta chambre, dans ta maison. Oh Seigneur Jésus, tu as dit, tu es avec moi. Je crois en ta parole. Je sais que tu es là. Seigneur, voici mon problème. J'ai une perte de sang depuis 12 ans. Et Jésus l'a guéri. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, ta foi, ma fille, ta foi t'a guéri. La foi, quand on a la foi, il y a toujours des résultats. Aucun homme de Dieu n'a prié pour cette femme. Personne. Bien-aimé, l'heure est arrivée où nous devons être vigilants. Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Les gens viennent trouver Jean-Baptiste, celui que tu as rendu témoignage. Tu es au courant, il baptise maintenant et tout le monde va à lui, tout le monde va à lui. Les gens ne viennent plus à toi, tout le monde va à Jésus. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Celui que tu as rendu témoignage, tu es au courant, maintenant tout le monde va à lui. Les gens ne venaient plus vers Jean-Baptiste. On vient informer Jean-Baptiste que celui que tu as rendu témoignage, là, Jésus là, à l'heure où on vous parle, tout le monde va à lui, tout le monde. Au verset 30, Jean-Baptiste répond, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que je diminue parce que je ne suis rien. Il faut que je diminue parce que je ne peux pas vous guérir. Il faut que je diminue parce que je n'ai pas la capacité de vous délivrer. Il faut que je diminue parce que ce n'est pas moi le Messie. Il faut que je diminue parce que ce n'est pas moi qui sera à la croix pour vous. Il faut que je diminue parce que je ne peux pas vous bénir. Il faut que je diminue parce que je ne porterai pas vos iniquités à la croix. Il faut que je diminue. Moi, Jean-Baptiste, je ne donnerai pas ma vie pour vous. Il faut que je diminue. C'est normal que les gens aillent à lui. Parce que c'est lui le Messie. C'est normal que les gens aillent à Jésus. Parce que c'est Jésus qui va porter leurs iniquités à la croix. C'est normal que les hommes aillent à lui. Parce que c'est lui l'envoyé de Dieu. Il est normal que les gens aillent à lui. Parce que c'est celui qui est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est normal que je diminue. C'est normal que les gens aillent à lui. Parce que lui, il a la solution pour les hommes. Moi, je ne l'ai pas. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Moi, je ne le suis pas. C'est lui qui va porter vos péchés à la croix. C'est pas moi. Il est normal que je diminue. Parce que je ne peux rien faire pour vous. C'est lui qui est la solution à vos problèmes. C'est normal que les gens aillent là-bas. Parce que si les gens viennent vers moi, Jean-Baptiste, je ne peux pas vous guérir. Je ne peux pas laver vos iniquités. Je ne serai pas à la croix pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Donc, il faut que je diminue pour que les gens aillent à lui. Jésus est la réponse. C'est normal que les gens aillent à lui. Que moi, je diminue. Je veux dire au verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il vient du ciel, lui, celui-là. Il faut que je diminue. Lui vient du ciel, lui. C'est lui qui a la solution à vos problèmes. Il faut que je diminue, parce que si les gens viennent vers moi, moi je ne peux rien faire pour vous. Moi aussi, j'ai besoin de lui. Parce que lui vient du ciel. Il faut que je diminue. Parce que si vous venez vers moi, je ne peux pas résoudre vos problèmes. Je ne peux pas apporter des solutions à vos galères. Donc, il est mieux que je diminue et que les gens aillent à lui. C'est lui la solution. solution. C'est lui, le Fils de Dieu, il vient d'en haut. Il vient, lui vient d'en haut. Pas moi, lui vient d'en haut. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Moi, je ne viens pas d'en haut, mais lui vient d'en haut. Il faut que je diminue, je ne suis rien. Il faut que les gens aillent à lui. Bien-aimé, quand un vrai homme de Dieu, un vrai homme de Dieu ne cherche pas à tirer les regards vers lui. Un vrai homme de Dieu pousse les brebis du Seigneur vers Jésus. Il faut que je diminue. Un vrai homme de Dieu pousse les brebis, les personnes qui se convertissent, vers le maître, vers celui qui est le Tout-Puissant. C'est quelqu'un de humble. Il n'attire pas les regards. Il ne se prend pas pour un grand. Il sait qu'il est rien. Il est rien. Vous venez me voir, moi Jean-Baptiste. Je ne peux rien faire pour vous. Je suis un homme comme vous. Je suis de la terre comme vous. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui a la solution à vos problèmes, il est normal que je diminue et que tout le monde aille à lui. Parce que c'est l'envoyé de Dieu. Si vous venez à moi, je n'irai jamais à la croix pour vous. Mais lui, il le fera. Donc il est mieux que vous partiez, que vous allez à lui. Pas à moi, Jean-Baptiste. Voilà un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu présente Jésus de A à Z aux brebis, afin que les brebis soient focalisées, non pas sur l'homme de Dieu, mais sur Jésus. Ce Jésus-là est dans ta chambre avec toi. Ce Jésus-là est à côté de toi tous les jours. Il a promis d'être avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il faut aller à lui. Pourquoi tu veux aller voir Jean-Baptiste? Oh, homme de Dieu, je suis venu te voir. Jean-Baptiste dit non, non. Il est mieux que les gens aillent à lui. C'est lui qui peut résoudre vos problèmes. Pas moi, Jean-Baptiste. Et des hommes sont venus voir Jean-Baptiste. Mais celui que tu as rendu témoignage là, tu es au courant. Tout le monde va maintenant à lui. Jean-Baptiste, il faut que je diminue. Gloire à Dieu, parce que Jean-Baptiste avait l'esprit de Dieu. Jean-Baptiste savait que celui-là est le Messie. Celui qui est la réponse à vos problèmes. Parce que c'est lui qui va porter vos iniquités à la croix. La délivrance ne peut venir que de lui. Pas moi, Jean-Baptiste. Lui-là, il vient du ciel. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Moi, je suis de la terre. Je ne suis pas le Messie. C'est lui, le Messie. Allez vers lui. Oh, vous avez aujourd'hui des faux hommes de Dieu dans l'église. Ils se prennent pour des grands généraux. Ils sont orgueilleux. Ils se prennent pour révérends pasteurs. Que des grands. Ils sont grands hommes de Dieu. Grands hommes de Dieu. Grands serviteurs de Dieu. Il faut que je diminue, dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un vrai serviteur de Dieu. Il faut qu'il diminue et que les gens aillent à Jésus. Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui envoie tout le monde vers Jésus. Pas vers lui. Vous avez aujourd'hui des pasteurs qui ont maintenant des disciples. C'est-à-dire que leurs disciples, leurs fidèles ne croient qu'à ce qu'il dit. À gauche, ils s'alignent. À droite, ils s'alignent. Ton pasteur ne peut pas te sauver. Ton pasteur ne peut pas te guérir. C'est Jésus qui guérit. Ton pasteur ne peut pas te délivrer. C'est Jésus qui délivre. C'est pourquoi quand je vais prier pour quelqu'un, je dis à la personne, mets-toi à genoux, parle à Jésus. Moi, je ne fais que te soutenir. Ce n'est pas ma prière qui fera quelque chose. Jésus qui est à côté de toi, lorsqu'il voit la foi qui est dans ton cœur, Jésus va se manifester. Il est tout puissant. Jean-Baptiste dit, c'est normal que les gens aillent à lui. Les gens qui sont dans ton église, toi pasteur, est-ce que tu les conduis vers Jésus ou bien tu veux qu'ils aient les regards sur toi? Ils sont devenus tes disciples. Ils sont plus disciples de Jésus parce que tu te prends pour quelque chose. Tu te prends pour un grand. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vas voir, Dieu va te mettre à terre parce qu'il juste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Jean-Baptiste était humble. Il dit, il est normal que les gens aillent vers Jésus et que moi je diminue. Mais toi dans ton église, tu joues au grand. Les mains dans les poches. Vous allez voir certains orgueilleux, ils prêchent les mains dans les poches. C'est un grand. Il se prend pour un supérieur. Alors qu'il n'est rien. Non. Quand tu fais ça, tu es orgueilleux et tu attires les regards vers toi. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir les gens sont prêts à faire le tour du monde pour aller voir l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu donne l'impression d'être un grand. Il est puissant, il est fort, il a l'onction. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Voilà un vrai homme de Dieu. Pas d'orgueil. Il est un. Il sait qu'il n'est rien. Et que c'est Jésus. Il pousse, il prêche la parole pour amener les brebis à se focaliser sur Jésus et non sur lui. Et non sur lui. La femme qui m'a appelé là, frère, j'ai envie de venir te voir. J'ai déjà essayé avec beaucoup d'hommes de Dieu. Ma maladie est là. Je veux aussi. Je dis, ma soeur, c'est même pas la peine. Je ne peux pas te guérir. C'est Jésus qui guérit. Parce que si tu fais le tour des hommes de Dieu, c'est parce que tu crois, le diable t'a mis dans la tête que c'est un problème d'homme de Dieu. Le diable t'a dit, quand tu tomberas sur le bon, tu auras la réponse. Le bon, c'est Jésus. La femme qui souffrait d'une perte de sang n'est pas allée voir un homme de Dieu. Elle est allée elle-même directement à Jésus par la foi. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, si tu as la foi, ta foi aussi peut te sauver quand tu vas aller vers Jésus par la foi, parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit le Seigneur. Mon Dieu, quelle grâce nous avons. Quelle grâce. Jésus-Christ a été à la croix pour nos péchés. Personne, aucun homme ne lui a donné un coup de main lorsqu'il a souffert. Personne. Il a subi le fardeau tout seul. Personne ne lui a donné un coup de main. Personne n'a dit, Jésus, c'est dur là, je viens te donner un coup de main. Non, il était seul. Il a subi le poids de nos iniquités seul. Personne ne l'a aidé. Il est digne d'être adoré. Il est normal que tous genoux fléchissent devant lui. C'est normal. Il a bu la coupe seul. Personne ne lui a donné un coup de main lorsqu'il était à la croix. Personne n'a dit, oh Seigneur, c'est dur. Ce que tu vas subir là, c'est dur. Bon, si Jésus, je reste à côté de toi pour te soutenir. Je vais t'aider à porter le fardeau. Personne. Il l'a fait seul. Il a subi ça seul. Jésus est digne, digne d'adoration. Jésus est digne. Nous pouvons fléchir nos genoux par terre. C'est normal. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Personne ne lui a donné un coup de main à la croix. Personne. Et pourtant, c'est pour nous. Il a bu la coupe pour nous, pour notre délivrance. Parce qu'on était perdus à cause du péché. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous a regardé. Il a dit, ceux-là, ils ne peuvent être sauvés que par une grâce. Et comme ils sont déjà esclaves du péché, franchement, ils ne peuvent plus d'eux-mêmes. Ce n'est plus possible par eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a dit, Père, je veux faire ta volonté. Parce que tu ne veux pas que ces hommes soient perdus. Papa, l'enfer a été créé pour le diable et ses démons, et non pour les hommes. Oui, je m'en vais sur terre. C'est dur. Je vais souffrir. Mais Père, je veux le faire pour toi. Papa, afin que tu sois dans la joie, parce que tu aimes ces hommes. Je m'en vais faire la volonté de mon Père. Et Jésus est venu sur terre, alors qu'on était tous condamnés, tout le monde, des pécheurs perdus, et Satan faisait goundam, goundam, goundam, goundam. Il jouait à l'orgueil. C'est lui qui tenait les clés de la mort et du séjour des morts. Le diable pouvait décider quel jour tu vas mourir. Il pouvait marcher sur toi comme il veut. Le grand orgueilleux. Et Jésus vient sur terre. Pour nous, on l'a insulté, craché dessus. Et pourtant, c'est pour nous. agissant là à la colère. Il envoie un sauveur et on est là à le tabasser, à l'insulter, à cracher dessus. Alors que c'est pour nous. Ça aurait été moi. J'allais dire, mon fils, c'est pas la peine. Retourne ici. Ils sont ingrats. Ils sont pas reconnaissants. Mais Dieu a supporté, car son amour est grand. Et Jésus a bu la coupe. Seul, personne ne lui a donné un coup de main. Il a subi ça seul. Le poids de nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Personne n'était là pour lui donner un coup de main, pour l'aider. Gloire à Dieu! Soyons reconnaissants, bien-aimés. Quand je vois des gens, oh, moi je ne prie plus, parce que depuis que je prie, Dieu ne me donne pas un enfant. Oh, depuis que je prie, je ne vois pas le travail. Tu viens de loin, frère, tu reviens de loin. Jésus a été te prendre de loin, ton âme était déjà loin dans les profondeurs de l'abîme. Satan t'avait déjà enchaîné. Réjouissons-nous. Quand je vois des gens pour un petit truc, on tourne le dos à Dieu. Soyons reconnaissants. Aujourd'hui, nous sommes sauvés gratuitement par le moyen de la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus-Christ est digne d'être sur le trône. Jésus-Christ est digne de juger. Il a subi le calvaire. Seul, personne ne lui a donné un coup de main. Personne. Jean-Baptiste a raison. Il faut que je diminue et que vous partiez vers lui. Un vrai homme de Dieu prêche la parole afin que les personnes, les âmes, aillent vers Jésus. Tu es dans une église. Tu n'es pas guéri. Peut-être parce que tu crois que tes yeux sont sur Jean-Baptiste. Tes yeux sont sur le pasteur qui est devant toi. Tu n'auras rien. C'est quand tes yeux sont sur Jésus que tu auras le miracle que tu veux, le miracle que tu cherches là, parce que tu crois qu'il viendra de ton papa pasteur. Il ne viendra pas, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Parce que quand Dieu te regarde, il voit que tes yeux sont accrochés à ton papa pasteur. Jésus dit, ok, comme c'est pas moi que tu regardes ton papa pasteur, moi je ne ferai rien. Parce que si je fais le miracle, tu vas croire que c'est ton papa pasteur qui est fort. Parce que si je te donne ce que tu demandes là, tu vas croire que c'est ton papa pasteur qui est quelque chose. Et il deviendra ton idole. C'est pourquoi, même si tu me demandes, je ne fais rien parce que ton cœur est branché sur ton papa pasteur. Jésus connaît ton problème. La femme qui souffrait d'une perte de sang n'a pas regardé les serviteurs de Dieu, elle a regardé Jésus. Quand tes yeux sont sur Jésus et non sur papa pasteur, Jésus réagit. Beaucoup sont bloqués dans les églises. Ils donnent des dîmes et des offrandes à leur papa pasteur parce qu'ils croient que le miracle viendra du papa pasteur. Non, le miracle vient de Jésus. C'est pourquoi tu ne vois pas ton miracle. Parce que toi tu crois que c'est ton pasteur là qui va résoudre ton problème. Arrête. C'est pourquoi tu ne vois rien. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue afin que vous vous regardiez Jésus. Parce que c'est lui qui est la réponse à vos problèmes. Pas moi, Jean-Baptiste, pas moi. Mais vous avez des pasteurs orgueilleux. Ils n'ont pas l'esprit de Jean-Baptiste et se prennent pour quelque chose. Et les brebis, on les regarde sur eux comme s'ils étaient des tout-puissants. Et pendant que Dieu voit que toi tu regardes l'homme de Dieu, tu veux qu'il t'impose les mains, Jésus dit, ok, comme tes yeux sont sur l'homme et non sur moi, moi je ne ferai rien. Parce que si j'agis là pour ton problème là, tu vas croire que c'est ton papa pasteur là qui est puissant. Si je te donne ce que tu demandes là, tu vas croire que c'est ton papa pasteur qui a fait le miracle. C'est moi Jésus. Quand tes yeux vont se tourner vers moi et non vers un homme, je vais vous faire le témoignage, bien aimé. Un homme de Dieu est allé prêcher dans une église. On l'avait invité. Lorsqu'il a demandé, parce qu'il y avait du monde, c'était un séminaire. Lorsqu'il a demandé que les malades s'approchent, il y avait du monde devant. Les gens se sont mis en rang. Et comme il s'est dit, si je dois prier pour tout le monde. Je vais passer toute la journée ici. Et il a demandé alors au pasteur qu'il avait invité et aux anciens de l'église, c'est-à-dire les diacres et autres, de venir devant pour prier pour les malades. Cet homme de Dieu a remarqué que la ligne des personnes qui étaient devant lui était longue par rapport aux personnes qui étaient sur d'autres personnes. Il a remarqué, il s'est dit, mais attends. Et il a vu une femme qui est partie d'une ligne d'à côté pour venir devant lui. Il a dit, madame, tu quittes là-bas pour venir te mettre ici parce que tu crois que je suis quelque chose par rapport aux autres là qui devaient prier pour toi. Et il a appelé, l'homme de Dieu a appelé un petit enfant de 11 ans. Toi, viens prier pour cette femme devant tout le monde. Il a appelé un petit enfant comme ça de l'assemblée. Viens petit, tu vas prier pour cette femme. Quand la femme s'est mise à genoux, le petit l'a imposé les mains. Le miracle s'est manifesté. Elle était guérie sur le champ. Dieu lui donnait l'enseignement que c'est moi Dieu qui guérit. C'est pas un problème de pasteur. Elle était guérie. Oh, je suis guérie. La douleur est partie. C'était un enfant de 11-10 ans. Dieu voulait qu'elle comprenne que la guérison, c'est pas l'homme de Dieu, c'est moi. Beaucoup sont bloqués dans les églises parce qu'ils sont tellement, comment dirais-je, attachés à leur pasteur qu'ils croient qu'il n'y a que leur pasteur qui peut résoudre leurs problèmes. Rien ne t'a, tu n'auras rien. C'est pourquoi tu tournes en rond, tu n'auras rien. C'est Jésus qui était à la croix qui peut résoudre tes problèmes. Pas ton papa pasteur. Et quand tu vas le comprendre, Jésus va se manifester dans ta vie. Mais tant que tu as les regards, tout ton cœur branché sur ton pasteur là, Jésus ne fera rien. Parce que s'il fait le miracle, toi tu vas croire que vraiment mon pasteur là, tu vas faire la réputation. Tu vas raconter partout que mon pasteur est fort. Parce qu'il m'a imposé les mains, le cancer est parti. Et toutes les personnes qui ont le cancer chercheront à venir le voir. Jésus ne veut pas ça. C'est pourquoi il n'agit pas. Mais quand tes yeux ne seront plus sur l'homme, mais sur Jésus lui-même, Jésus va se manifester. Et la femme qui souffrait d'une perte de sang, c'est ce qu'elle a démontré. Elle a dit, moi je n'irai pas vers Luc, Matthieu, Jean et les autres, même s'ils ont reçu le don, même si Jésus leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, moi je traite avec Jésus lui-même. Je n'ai pas besoin de passer par un pasteur. Parce que ses yeux étaient sur Jésus. Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Mais comme ta foi, toi, est branchée, focalisée sur l'homme de Dieu, qui est ton pasteur, c'est pourquoi Jésus ne réagit pas. Parce qu'il veut te faire comprendre que l'homme-là n'a jamais été à la croix pour toi, c'est Jésus qui a été à la croix. Quand tu vas fermer les yeux, quand tu vas comprendre que c'est Jésus qu'il te faut, tu n'auras même plus besoin de prendre un rendez-vous avec un homme de Dieu. Tu vas te mettre à genoux dans ta chambre et parler directement à Jésus. Il est là. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est Jésus qui l'a dit. Il a promis être avec toi tous les jours. Pourquoi tu prends des rendez-vous de gauche à droite au lieu de traiter directement avec lui? Puisqu'il est à côté de toi, il ne t'abandonnera jamais. C'est ce qu'il a dit. Il ne ment pas. Jésus ne ment pas. Crois qu'il est à côté de toi, crois-le. Et tu verras les fruits. Quand Jésus verra ta foi, que ta foi n'est plus sur le papa pasteur, ta foi est maintenant vers Jésus. Parce qu'à partir du moment où ta foi est maintenant vers Jésus, tu ne prends plus de rendez-vous, tu n'as pas besoin. Tu te dis, ok, je suis là chez moi, Jésus est là. Seigneur Jésus, je vais te parler, voici mon problème. Et Jésus va se manifester à toi. Parce qu'il a promis de se révéler à quiconque le cherche. Il va dire, celui-là, son cœur est maintenant vers moi. Je ne veux pas le décevoir. Je vais lui prouver que ma parole est la vérité. Et Jésus va se manifester. Et tu auras à témoigner. Tu vas dire aux gens, regardez vers Jésus. Ne regardez plus les hommes. Bien-aimé, je vais lire un dernier passage biblique. Jean chapitre 3. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est celui-là qui est descendu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Vous avez compris, frère, Vous avez compris, Jésus-Christ est Seigneur. Je parle d'un Jésus vivant. Je parle d'un Jésus puissant. Je parle d'un Jésus qui donne la vie. Je parle d'un Jésus qui bénit. Je parle d'un Jésus qui guérit. Il me l'a prouvé. L'hôpital n'a rien fait. Depuis la classe de première, j'ai passé des années, piqûres, examens de toutes sortes. Rien. Les médecins disaient, on ne voit rien. Ensuite, on m'a amené chez un grand marabout. Zéro, il n'a rien fait. C'est Jésus. Si aujourd'hui je respire, c'est grâce à lui et je remercie Dieu le Père qui m'a guéri et qui m'a sauvé par son Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.